بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله. Donc bienvenue à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Et donc dans le dernier cours, nous avons vu une parabole qui se trouve dans la sourate Le revêtu d'un manteau, sourate Al-Muddathir. Et ce soir, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier les paraboles qui se trouvent dans sourate l'interdiction, sourate Al-Tahrim. Et cette sourate est une sourate médinoise. Et elle a été nommée l'interdiction car il y est mentionné l'interdiction que s'est faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne le hadith qui est connu concernant cette sourate, qui est, selon la traduction, celui qui lit sourate l'interdiction, Allah lui accordera un repentir sincère. Ce hadith est un hadith faible. Donc ce hadith-là, qui est un hadith qui est connu, est un hadith qui est faible. Et concernant les paraboles de cette sourate, elles se trouvent dans les versets 10 à 20. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله سبحانه وتعالى, il dit selon la traduction rapprochée, Allah donne pour exemple aux mécréants la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous la protection de deux de nos serviteurs vertueux. Mais elles les trahirent et ils ne purent leur épargner le châtiment d'Allah. Et on leur dira au jour de la résurrection, entrez en enfer avec ceux qui y entrent. Allah donne pour exemple aux croyants la femme de Pharaon lorsqu'elle dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes. Et délivre-moi des agissements et du châtiment des transgresseurs. Il leur donne également pour exemple Maryam, fils de Imran, qui préserva sa chasteté, et en laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous, elle crut aux paroles de son Seigneur et en ses livres, et fut dévouée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets englobent trois paraboles. Une concernant les mécréants, et deux concernant les croyants. Et la parabole concernant les mécréants nous indique qu'ils se feront châtier pour leur mécréance et leur hostilité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, son prophète et ses alliés. Et même si ils avaient un lien de parenté ou un lien marital avec un croyant, ceci ne leur servira à rien. Et ceci ne leur sera d'aucune utilité pour repousser le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en vérité, toutes les causes seront interrompues yawm al-qiyama, c'est-à-dire le jour du jugement, sauf ce qui a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le lien, qu'il soit parenté ou marital, avait été profitable avec la mécréance, il aurait certes profité à la femme du prophète Nuh alayhi salam et à celle du prophète Lout alayhi salam, mais ceci n'a pas été le cas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah nous dit, selon la traduction, Allah donne pour exemple aux mécréants la femme de Nuh et la femme de Lout. Tous deux, ou plutôt toutes deux, étaient sous la protection de deux de nos serviteurs vertueux, mais elles les trahirent et ils ne purent leur épargner le châtiment d'Allah, et on leur dira au jour de la résurrection: entrez en enfer avec ceux qui y entrent. Et dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit mais elles les trahirent, ici ce qui est voulu par la trahison, c'est-à-dire dans la religion. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « mais elles les trahirent », c'est-à-dire dans la religion. Car elles n'étaient pas sur la religion de leur mari. Et c'est donc cela qui est voulu ici par la trahison. Et il n'est en aucun cas visé par la trahison ici l'adultère. Car comme les savants l'ont mentionné, aucune femme de prophète n'a commis l'adultère. Aucune femme de prophète n'a commis l'adultère. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction, et ils ne purent leur épargner le châtiment d'Allah, et on leur dira au jour de la résurrection, entrer en enfer avec ceux qui y entrent. Et donc ceci est une preuve qui nous montre que le lien proche que peut avoir le mécréant avec le croyant ne lui sera d'aucune utilité et d'aucun secours en l'absence de la foi et du tawhid. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, selon la traduction, Allah donne pour exemple aux croyants la femme de Pharaon. Lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes et délivre-moi des agissements. » Non, Afouen. « Auprès de moi une maison au paradis, préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes et délivre-moi des agissements et du châtiment des transgresseurs. » Donc le but de cette parabole ici est de nous montrer que le lien qui peut y avoir entre un croyant et un mécréant ne lui nuira en rien tant qu'il reste ferme sur sa foi et tant qu'il reste ferme sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, Allah a mentionné l'exemple de Asiya bint Muzahim, donc la femme de Pharaon, et malgré qu'elle soit mariée à l'un des plus grands mécréants, et malgré qu'elle soit mariée à celui qui a prétendu la seigneurie, et à l'un des plus grands corrupteurs et transgresseurs, elle est restée ferme sur sa foi. Et donc sa proximité avec Pharaon, donc sa proximité avec Pharaon, ne lui a pas été nuisible. Et ceci nous montre la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas châtié donc Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon, pour les péchés et la mécréance et la transgression de son mari. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. » Et ici, de cette phrase, les savants, ils ont tiré que la femme de Pharaon, elle a choisi la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà avant même le choix de la maison. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, en parlant d'elle, lorsqu'elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi ensuite une maison au paradis. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par la suite, dans la dernière de ses paraboles, il nous dit selon la traduction, il leur donne également pour exemple Maryam, fille de Imran, qui préserva sa chasteté et en laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous. Elle crut aux paroles de son Seigneur et en ses livres et fut dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « En laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous », c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam et il insuffla en elle l'âme de Isa alayhi salam et Maryam tomba enceinte alayha salam. Et donc, en résumé de ces trois paraboles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné trois types de femmes. La première est la femme mécréante qui a un lien avec un homme pieux. La deuxième est la femme pieuse qui a un lien avec un mécréant. Et la troisième est la femme célibataire qui n'a de lien avec personne. Et donc la première, le lien qu'elle avait ne lui a pas été profitable. Et la deuxième, le lien qu'elle avait ne lui a pas été nuisible. Et quant à la troisième, le fait qu'elle n'ait pas de lien, ceci ne lui a pas causé du tort. Et donc avant de passer, Inch'Allah ta'ala, aux enseignements de ces paraboles, j'aimerais attirer votre attention sur un point essentiel. Certaines personnes n'ont pas eu la bonne compréhension vis-à-vis de ces paraboles, c'est-à-dire des paraboles qu'on a vues ce soir. Car ils les prennent comme preuve et argument dans le fait qu'il n'y a pas de mal à se marier avec un pervers ou bien même avec un mécréant. Car comme on l'a mentionné, Asiya bint Muzahim était mariée à Pharaon. Et malgré cela, Allah l'a agréé. Et la mécréance de Pharaon n'a pas eu d'impact sur elle. Et donc, ceci montre, bien sûr d'après eux, ou bien d'après elle, que la femme, il n'y a pas de mal qu'elle se marie avec un homme qui ne prie pas, ou bien qui fait des grands péchés apparents, ou bien un homme qui est innovateur. Et certains d'entre eux, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours, ils vont même prendre ce genre de verset pour dire qu'il n'y a pas de mal à te marier avec un polythéiste ou avec un chrétien. Donc là je parle qu'il n'y a pas de mal pour une femme de se marier avec un polythéiste ou un chrétien. Et il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. Et ce genre de méthodologie dans l'argumentation est une méthodologie erronée. Car la voie des pieux prédécesseurs dans ce genre de situation est la suivante. Yastadilloun thumma ya'taqidoun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les pieux prédécesseurs, leur méthodologie, dans ce genre de situation, ils regroupent les preuves. Regarde dans le Coran, regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils regroupent les preuves. Ensuite, ils basent leur jugement sur ce regroupement de preuves. Car après avoir regroupé ces preuves-là, d'accord, et regroupé l'ensemble de ces preuves-là, ils peuvent ici très facilement tirer un jugement. Car ils se sont basés sur toutes les preuves. Alors que les innovateurs et certains parmi les soufaha, parmi les faibles d'esprit, ils prennent une preuve qui en apparence va dans leur sens. Ici je dis bien en apparence. Et ils délaissent toutes les autres preuves. Ensuite, ils basent leur jugement sur cette preuve-là. Peut-être qu'après avoir dit ce genre de parole, quelqu'un il peut avoir encore et ne peut pas, on va dire, comprendre ce que j'ai mentionné. Donc on va donner un exemple. Par exemple, prenons la secte qu'on appelle le Khawarij. D'accord ? Donc le Khawarij, comme vous le savez, c'est la secte qui rend mécréants, d'accord, les gouverneurs, et qui rend mécréants ceux qui font des grands péchés. D'accord ? Donc parmi leurs aqida fasida, parmi leurs croyances erronées, ils ont dit que celui qui fait des grands péchés, il sort de l'islam. Celui qui fait des grands péchés, il sort de l'islam. Et que s'il meurt sans se repentir, alors il va au feu et il ne sortira jamais de l'enfer. Donc, Cette secte-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé dans le Coran et dans la Sunna. Et ils ont pris les preuves qui, en apparence, d'accord, leur donnent raison. Et ils ont délaissé toutes les autres preuves qui sont au contraire de leur raisonnement et de leur croyance erronée. Parmi ces preuves, ils ont pris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yezni zani hina yezni wa huwa mu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, selon la traduction rapprochée, le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, cette preuve-là nous montre que le fornicateur, il n'est pas croyant. C'est-à-dire qu'il, lorsqu'il fait la fornication, il sort de l'islam, et ceci est valable pour tous les grands péchés. Mais ils ont délaissé toutes les autres preuves du Coran et toutes les autres preuves de la Sunna qui montrent que celui qui fait des grands péchés reste encore musulman. D'accord ? Et ce procédé-là et cette méthodologie n'est pas la méthodologie des gens de la Sunna. C'est pour cela que dans ce sujet-là, je continue avec cet exemple, qu'est-ce que les pieux prédécesseurs, les gens de la Sunna, ils ont fait ? Ils ont regroupé l'ensemble des preuves. Ils ont regroupé les preuves où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait par exemple la yezni zani hina yezni wa huwa mu'min, le fornicateur lorsqu'il fornique, il n'est pas croyant. Et aussi, ils ont regardé les preuves où Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que certains croyants ont fait certains grands péchés, d'accord, comme par exemple dans sourate al-Hujurat, les appartements, le fait de se combattre, etc. Mais qu'il a mentionné que ces croyants ont la foi. Donc ils ont dit en vérité que celui qui fait des grands péchés, na'am, il ne sort pas de l'islam, d'accord, mais il n'a pas la foi complète. Il n'a pas la foi complète, mais il n'est pas mécréant. Mais il n'est pas mécréant du simple fait qu'il ait fait un grand péché. Et donc, concernant notre sujet, certaines personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit, regarde dans Surat al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la femme de Pharaon, elle était mariée à Pharaon, malgré ça, Allah il l'a agréée, et malgré ça, sa foi n'a pas bougé, etc. D'accord ? Mais la méthodologie des pieux prédécesseurs n'est pas celle-là. Et concernant, d'accord, le mariage, si nous regroupons l'ensemble des preuves, on va s'apercevoir que ce qui apparaît, c'est qu'il faut se marier avec une personne qui a une bonne pratique religieuse. Et ce résultat-là vient après avoir regroupé les preuves. Donc les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Car à l'inverse, si nous prenons l'exemple d'un pervers qui est marié avec une vertueuse, il est fort probable que ceci ait une influence et que cette personne ait une influence négative sur cette vertueuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple dans le Coran, et ça, c'est un verset qui est général. Il nous mentionne, par exemple, dans Sourate al-Furqan, « Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytan lil insani khadhula. » Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens, il dit, lorsque la personne dira, « Malheur à moi, si je n'aurais pas pris un tel comme ami. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Il m'a écarté du rappel après qu'il soit venu à moi. Et là donc on regarde, là on parle juste d'amis ici. C'est-à-dire d'un ami, peut-être que tu vas le voir, je ne sais pas, un peu tous les jours ou un peu toutes les semaines, etc. Alors que dire d'un époux? En sachant très bien que, comme ce qui est connu de toute personne, c'est que La femme est certes influencée par son mari. La femme est certes influencée par son mari. Donc il y a un très grand danger pour la femme musulmane, d'accord, vertueuse, de se marier, par exemple, avec une personne qui fait des grands péchés apparents ou ce genre de choses. Et encore plus dangereux que ça, et ceci est certes interdit pour la femme musulmane de se marier avec un mécréant. Et regardons par exemple les femmes de notre communauté et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et de les réformer qui sont mariées avec des mécréants. En général, comment ça se passe? En général, lorsque juste tu regardes les enfants, tu vas trouver que les enfants, des fois, ils vont pencher vers le père. Ou bien, ils vont pencher vers la mère, mais il y aura toujours cette influence du père. Et après, même quand ils vont grandir, les parents, ils vont leur laisser le choix d'être musulmans ou d'être chrétiens. Et souvent même, on trouve que la femme, d'accord, délaisse soit sa religion ou soit baisse dans sa religion et il ne reste que de la religion musulmane, al-ism al-am, c'est-à-dire le nom général. D'accord? Donc il n'y a aucune preuve ici qui montre qu'il n'y a pas de mal à se marier avec un mécréant ou il n'y a pas de mal à se marier avec quelqu'un qui fait par exemple des grands péchés à part. Non. Donc nous allons maintenant passer aux enseignements de ces paraboles. Donc le premier enseignement, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ne châtie pas une personne à cause des actes d'une autre. Mais les savants, ils nous expliquent que ceci est valable dans l'au-delà. D'accord? Cette chose-là, elle est valable dans l'au-delà. Car dans la vie d'ici-bas, c'est possible qu'une personne soit châtiée et soit touchée par un châtiment alors qu'elle n'a pas commis de péché. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un châtiment, souvent il englobe tout le monde. Souvent il englobe tout le monde. Vous allez trouver par exemple, je sais pas moi, un village où il y a beaucoup de shirk, par exemple. Un village où il y a beaucoup de shirk, et par exemple, il y a quelques croyants dedans. Et des fois, dans certaines situations, Allah, lorsqu'il va faire descendre, par exemple, un châtiment, ces gens-là aussi, parmi les croyants, vont être touchés. D'accord? Pourquoi? À cause de leur proximité et au fait d'avoir vécu avec ces gens-là. Mais dans l'au-delà, par contre, il n'y aura pas ce genre de choses. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas se faire châtier par rapport aux actes d'une autre personne. Et ceci montre la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième enseignement qu'on tire de ces paraboles, c'est une réfutation aux polythéistes. Car les polythéistes ont cru que les pieux leur seront profitables. Et de ce fait, ils les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'entre les polythéistes et les pieux, il n'y a ni lien de parenté, ni lien marital. Alors que dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'entre le croyant et le mécréant, il y avait certes un lien et ils étaient très proches, mais malgré ce lien qui était fort, le croyant, ou plutôt ce lien n'a pas pu être la cause d'écarter le feu de l'enfer ou d'écarter le châtiment à cette personne qui est croyante. Alors que dire? Que dire des pieux vis-à-vis des polythéistes? Il n'y a pas de doute que cela est pire, car ils ne sont même pas proches et ils n'ont même pas de lien ni parenté ni marital. D'accord? Donc ça, ce sont les enseignements qu'on peut tirer de cette parabole. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer, mais comme vous le savez, on mentionne quelques enseignements pour faciliter la mémorisation. Donc avec cela, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu l'ensemble des paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran. Donc, ce cours-là est le dernier cours de cette série de cours. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de ces paraboles. Et nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la mise en pratique de ce qui a été vu dans ces paraboles. Car comme vous le savez, le but de la science est la mise en pratique. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur lorsqu'il met sa science en pratique, même si cette science est minime, même si cette science est minime. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.